franchi le seuil. Nous sommes les gardiens, ton feu éclaire l'éclipse. Le sable retient la mémoire de ceux qui ont marché avant moi. Chaque grain pèse le prix d'un choix. Chaque silence sculpte mon espoir. Rider's Kill ne court pas. Il veille, il forge les armes avec des mots. Il sculpte le lien entre les veilles. Rider's Kill, Rider's Kill. Guardian of the flame. Through shadows he remains. In silence his name resounds. Walks where fear is found. L'éclipse est passée. Tu es devenu lumière.